dictée pour le 24 octobre. Je vous présente mon ami. Il reste rue Laval. Il a les cheveux noirs. Sur son chandail, il a un gros 5. Il aime le hockey. Le midi, il dîne à l'école. Je dîne avec lui. Souvent, il mange du pain, du beurre et une pomme. Mon ami s'appelle Alexandre.